Aujourd'hui est le 5 juillet 2014. Hier, Sayado a parlé au yogi de la méditation en marche. Il a dit qu'il y a trois parties. La première partie de la période, on note pas gauche, pas droit. Donc chaque pas est une note. Donc chaque pas est une partie. La deuxième partie de la période, on divise chaque pas en deux parties, le lever et le placer. Et la troisième partie de la période, on divise chaque pas en trois parties. Donc, entre le lever et le placer du pied, il y a l'avancée du pied. Sayado a parlé de ça en général. Quand on note le lever et le placer, il est important de garder l'esprit sur les mouvements de lever du début à la fin. En comparant les pas gauche et le pas droit, quand on observe le lever et le placer, on devrait le faire le plus lentement possible. Sera plus facile de garder l'attention sur les mouvements. Quand vous arrivez à la marche en trois parties, vous ne pouvez pas le faire rapidement. Les deux premières typologies, un et deux parties, elles peuvent être faites plus vite. Mais la troisième partie de la période, l'observation du lever, avancé et placé, devait être faite le plus lentement possible. Quand vous faites lever, avancé, placé, simplement en mettant un troisième mouvement avancé entre le premier levé et le deuxième placé. Ça peut être fait avec succès seulement si vous le faites le plus lentement possible. Les yogis doivent comprendre que seulement quand vous pouvez noter soigneusement ces trois parties du mouvement, vous pourrez les voir distinctement. Les textes bouddhistes donnent un exemple pour comment les yogis devraient faire attention en pratiquant la méditation en marche. Dans les textes pali, on dit que ça est similaire à un chariot qui porte des jarres à eau sur un terrain accidenté. Autant d'autrefois, pour aller chercher l'eau, les gens devaient remplir des grands jarres où l'eau était disponible, puis les amener où ils en avaient besoin. Et tout ça dans un chariot. Le terrain pouvait être très accidenté. Et si on allait trop vite sur ce type de terrain, alors l'eau éclaboussait d'avant en arrière. Et au moment où on arrive à destination, ben on a perdu la moitié de l'eau. Donc, vous devez faire attention quand vous transportez ces jarres à eau sur un terrain accidenté dans un chariot. Et de la même façon, quand les yogis pratiquent la méditation en marche lentement en trois parties, lever, avancer, placer, doit prendre soin à ne pas perdre l'attention. En regardant la vitesse des trois types de marches, quand les yogis pratiquent le premier type, observant pas gauche, pas droit, cette marche peut être faite assez rapidement. On la pratique aussi pour réduire la raideur, donc ça peut être fait assez vite. Quand on pratique en deux parties, lever, placer, on ne peut pas les faire aussi vite. On devrait marcher de façon régulière et pas aussi vite que dans la première façon. Quand on arrive à la marche en trois parties, on ne peut pas du tout aller vite. On doit vraiment essayer d'aller le plus lentement possible. Quand on note lever, avancer, placer, et on va gentiment et lentement, si on garde notre chariot à eau sous contrôle pour que l'eau n'éclabousse pas, on garde notre attention sous contrôle de façon que notre note ne devienne pas trop distante de l'objet. Donc, on applique l'énergie mentale en visante pour observer l'objet. En faisant ça, en appliquant l'énergie pour attraper l'objet et le viser précisément, alors l'esprit attend l'objet. Si l'esprit attend l'objet, l'esprit n'ira pas ailleurs, il ne courira pas. Et si ça se passe assez fréquemment, alors l'esprit devient plus calme, il atteint un niveau plus haut de calme. Y a-t-il de l'avidité dans l'esprit qui tombe sur l'objet, l'oba? Non, il n'y en a pas. L'esprit est libre de l'avidité en ces moments-ci. Y a-t-il de l'insatisfaction, de la colère ou de la haine? Non, il n'y en a pas. L'esprit est immédiatement libéré de la colère aussi. L'esprit est pur. Ça est pure conscience, pur esprit qui apparaît. Il n'y a pas de colère, avidité ou confusion. il n'y a pas de loba, dosa ou moha. Donc, en premier lieu, ce type de conscience apparaît. Développer ce type de conscience est appelé bhavana, qui signifie développement mental. Toutes les fois que l'esprit observe de cette façon, l'esprit est pur. Ça est un exemple de l'esprit pur. Et si on observe le lever, avancer, placer soigneusement, alors, après avoir fait ça 60 fois dans une minute, ce type d'esprit pur apparaît et il deviendra grand et il proliférera. Un yogi qui est capable de noter, lever, avancer, placer, si est capable de bien les noter, alors dans le soulèvement, le yogi connaîtra les phénomènes naturels qui sont comme les goûts de la nourriture. Il se trouve véritablement dans le processus d'élever. Le yogi connaîtra les phénomènes naturels appelés sabhava, qui existent dans l'avancée et dans le placer aussi. Pour les connaître, on doit y aller gentiment et essayer de noter avec soin. Si les yogis pratiquent comme ça, ils seront capables de connaître ces goûts des phénomènes rapidement. Si les yogis pratiquent de façon superficielle, alors les jours passeront, mais les yogis ne connaîtront rien à propos de cette véritable nature, les goûts. D'autre côté, si les yogis pratiquent avec attention, en appliquant les instructions, alors dans quelques jours, arriveront à connaître ces caractéristiques intrinsèques, la vraie nature des phénomènes. Donc la méditation en marche n'est pas seulement pour l'exercice, n'est pas sans but. Elle est pratiquée afin de gagner la concentration. Et quand on arrive à avoir cette concentration dans la marche, alors on doit la mener avec nous pendant l'assise. Quand on arrive à notre place assise, on y arrive avec une posture debout. En premier lieu, on doit observer cette posture, placer l'esprit sur tout le corps. Et quand on prend la décision de s'asseoir, pour passer de la posture debout à celle assise, on doit encore observer l'intention de s'asseoir et tout le mouvement qu'on fait. On place notre attention sur le corps qui est en train de s'abaisser et de s'asseoir, et on note s'asseoir, s'asseoir, et en notant le processus de placer les bras, de se mettre en position, et tous ces mouvements qu'on fait pour arriver à la posture assise, tous ces mouvements doivent être observés un par un. Donc, on s'assied petit à petit en observant le corps s'abaisser, les mouvements des jambes et les mouvements des bras qui vont en place, et on place les yeux quand il n'y a plus des mouvements à faire. Alors, on pose notre attention en observant les soulèvements et abaissements de l'abdomen. Pratiquer de cette façon est traiter le travail qu'on est en train de faire avec respect. Quand on marche, quand on note lever, avancer, placer, ces actions se passent dans les jambes. Donc, on doit porter notre esprit sur les jambes quand on marche. Et parce qu'on a deux jambes, il y a deux endroits auxquels on doit faire attention, la jambe gauche et la jambe droite. Quand la jambe gauche bouge, on doit avoir l'esprit sur la jambe gauche. Quand la jambe droite bouge, on doit faire attention à la jambe droite. Par conséquent, la méditation en marche n'est pas aussi stable que la méditation assise. On doit faire un effort concerté pour pouvoir observer. La responsabilité, notre travail dans la méditation en marche, est donc plus grande que notre travail dans la méditation assise. Parce que dans l'assise, on doit veiller seulement au soulèvement et abaissement. Dans la marche, on doit faire les pas, pas gauche, pas droit, par exemple. On doit faire l'effort physique de faire les pas et on doit faire l'effort de les observer en même temps. Donc ici, il y a deux niveaux d'effort qui sont concernés. Ça, c'est pourquoi Sayadaw a dit qu'on doit faire un effort concerté pour observer la marche. En premier lieu, on doit être prêt à noter chaque pas. On doit être mentalement préparé. On doit chercher à observer chaque pas Et on doit savoir que chaque pas qu'on fait avec attention, notre esprit devient pur. Mais on doit avoir cette connaissance et on doit vouloir avoir cette pureté. On doit avoir ce désir. Donc, si on a ça, l'effort pour observer arrivera automatiquement. Donc, on sera capable de pratiquer la méditation en marche avec l'effort concerté nécessaire. Quand on est en train d'observer la marche, même si on a les yeux, il n'y a pas besoin de regarder quelque chose délibérément. On devrait avoir l'attitude d'une personne malvoyante. Il n'y a pas du besoin de s'intéresser à des objets visibles. Et n'importe quel son va se produire, on n'a pas besoin de s'y intéresser et de l'écouter. On doit avoir l'attitude d'une personne malentendante ou comme si on n'avait pas les oreilles. Peu importe combien de choses on a appris, il n'y a pas de nécessité de réfléchir sur ces choses. C'est pas nécessaire de réfléchir sur, par exemple, qu'est-ce qui est levé, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui est en train de se passer, comment ça se passe. Non, apprendre est quelque chose qu'on doit mettre à côté pour le moment. Et il faudrait seulement pratiquer en suivant les instructions reçues. Si on porte notre attention en observant comme ça et en bougeant gentiment, en focalisant l'esprit attentivement, on arrive à connaître la vraie nature. En pratiquant la méditation en marche, il y a trois degrés, trois classes de concentration momentanée vipassana, kanika samadhi, un niveau plus bas, un niveau moyen et un haut niveau. Quand on fait le pas gauche, le pas droit, ça est fait à un niveau grossier. Et les actions et les notes sont plutôt clairsemées. Une note par-ci, une note par-là. Quand on divise le pas en deux parties, levé, placé, il y a un niveau moyen de concentration qui est requis ici. Car il y a deux parties dans le pas, donc elle doit être plus affinée. Quand on arrive aux trois parties, observant le lever, l'avancer, le placer, ça est un des plus hauts niveaux de concentration. Elle requiert le niveau plus haut de concentration. Dans le processus de lever, il y a une série d'intentions de lever les pieds. La qualité qui connaît un objet est mentale, appelée nama en pali. L'esprit connaît l'objet. Et ce qui ne connaît pas ce qui est connu est rupa, la matière. Sans l'intention, la matière, l'expérience de lever par exemple, la matière physique qui est impliquée dans le lever n'a pas lieu. Il n'y a pas de mouvement sans cette intention d'élever le pied. C'est seulement quand l'intention d'élever est là que le lever du pied a lieu. Quand l'intention d'élever se manifeste, alors la matière, rupa, s'élève graduellement. Et s'il y a une intention d'élever rapide, alors le pied se lèvera rapidement. Si l'intention est de bouger lentement, alors le pied va bouger lentement. Donc ça est en accord avec l'intention mentale. La matière, rupa, est sans vie, elle ne connaît rien. Mais quand il y a l'intention de faire quelque chose, alors elle bouge. Une analogie pour comment le mouvement a lieu dans notre corps est celle d'un ventilateur. Le ventilateur est connecté à une source électrique, par exemple avec un câble. Et quand le câble est connecté, si on n'appuie pas sur le bouton du ventilateur, alors ceci ne marchera pas. Mais si le câble est connecté et l'interrupteur est appuyé, alors le ventilateur va marcher. Dans les ventilateurs, ces parties sont sans vie. Ils ne bougent pas toutes seules. Les pales, les rotors, donc est l'électricité qui les fait bouger. Et si l'électricité peut arriver vers le moteur qui ensuite fait bouger les pales, alors le mouvement a lieu. Mais si le câble est déconnecté ou l'interrupteur n'est pas appuyé, il n'y aura pas de mouvement. Quand on veut que le ventilateur tourne vite, on appuie sur l'interrupteur pour la vitesse supérieure. Si on veut qu'il tourne plus lentement, on appuie sur un autre bouton. Et l'esprit et la matière, nama ou pas, dans notre être, sont aussi comme ça. Quand on veut bouger vite, le mouvement sera rapide. S'il y a l'intention de bouger à une vitesse moyenne, alors le mouvement sera à vitesse moyenne. Si l'intention est de bouger lentement, alors le mouvement sera lent. Donc, l'esprit est le contrôleur dans les processus d'esprit et du corps. Donc, l'esprit est le contrôleur. Quand il y a l'intention d'élever, alors la jambe devient légère et elle se lève. Donc, l'esprit est comme l'électricité qui rentre dans le ventilateur. Et le corps est le ventilateur sans l'électricité. Au moment du lever, ce qu'il y a est l'intention de lever dans une série qui est mentale ou nama. Et à cause de cette série d'intentions, la jambe devient légère et elle se lève petit à petit. Ça est rupa, la matérialité. Donc, dans le processus esprit-corps, quand on observe avec satipatthana, ça est ce qu'on arrive à réaliser. Afin de connaître ce qui est vraiment là de cette manière, l'esprit et la matière qui sont vraiment là, on doit appliquer un effort ardent. On doit être énergique pour observer l'objet. L'esprit doit être alerte et doit aussi viser de façon qu'il puisse rester avec l'objet du début à la fin. Ce fait de viser est conséquence des jhanas ou absorption. Si on a ces deux facteurs, donc l'énergie mentale pour observer ou effort, et aussi un esprit qui vise l'objet, alors l'esprit sera collé à l'objet et n'ira nulle part. Ça est le développement mental ou bhavana. Au début de la pratique, le yogi a la tendance à manquer la cible. Il ne sait pas pratiquer ça tout de suite. Il doit développer l'habitude, la pratique à observer. Mais quand on commence à savoir comment noter, alors il sait quand il rate quelque chose. Et s'il sait aussi quand l'esprit vise correctement, et il sait quand il part. Il sait quand l'esprit se connecte avec l'objet. Quand la connexion avec l'objet a lieu assez fréquemment, alors le yogi connaîtra les processus du lever. Ce qui se passe est que quand le yogi observe le lever, il connaît le lever. Il sait que le lever est en train de se passer, mais il sait aussi la forme de la jambe. Ça est un cas où il y a un mélange des façons dont le mouvement a lieu. Donc pas seulement la qualité brute de la légèreté, mais aussi un mélange des formes de la jambe et du fait qu'elle s'élève. Quand une personne pratique lever, avancé, placé, elle ne voit pas encore distinctement l'esprit et la matière qui sont là. Il voit un mélange d'esprit et matière. Il pense à la forme. Quand les yogis observent assez de fois, alors il arrive à bien connaître l'aspect mental et l'aspect physique. Un exemple est quand on met pour la première fois un morceau de nourriture en bouche. La bouche est consciente, nous sommes conscients de ce morceau de nourriture. On ne sait pas encore quel goût il a. Quand on les mâche, on commence à sentir son goût. Et la même chose qui se passe quand on commence à acquérir l'habileté d'observer. Quand il commence la pratique, le yogi sent que la seule chose qu'il comprend est qu'il y a l'esprit et la matière qui ont lieu pendant le lever, l'avancer, le placer. Et il y pense comme ça, par exemple, je n'ai pas encore vu ça, j'ai hâte de le voir. Il n'y a aucune raison de penser à ça. Au fait qu'il y a l'esprit et la matière qui ont lieu en le lever, l'avancer, le placer. La seule chose qu'on doit faire est observer. Il n'est pas nécessaire de réfléchir à qu'est-ce qui est lever, qu'est-ce qui est bouger, comment ça se passe. Le seul travail que le yogi a est d'observer, de regarder sans réfléchir. Si vous observez des façons à capter l'objet du lever, avancé, placé en temps, alors la concentration momentanée apparaît, Kanika Samadhi. Et aussi, on voit que dans le lever, l'esprit et la matière ont lieu par paire. Dans le lever, l'esprit et la matière ont lieu en paire. Dans l'avancée, l'esprit et la matière ont lieu en paire. Dans le placé, l'esprit et la matière ont lieu en paire. Donc, vous arrivez à voir ça très clairement. Si vous pouvez observer le lever, avancer et placer sans interruption encore et encore, alors il y aura l'effort, concentration et un esprit qui vise l'objet. Avec ça, l'énergie à observer l'objet, on peut surmonter la paresse. Et lorsque le visé de l'objet est précis, alors l'esprit ne va pas vers des pensées de désir, des pensées de colère ou la pensée de vouloir faire du mal à quelqu'un. L'esprit n'ira pas vers ces pensées négatives. Il y aura seulement des objets sains à l'esprit, qui appelait ici Samma-vitaka, la pensée juste, la visée juste. Cet esprit est pur. À cause de l'attention, sati, à propos du lever, avancer, placer, alors aucun empêchement peut rentrer dans le flux de conscience. L'attention protège l'esprit et bloque les empêchements et rend l'esprit sécurisé. Quand il y a l'effort de lever, avancer, placer, alors plus d'effort il y a, plus l'esprit sera collé à l'objet. Et ce fait d'être collé à l'objet est la concentration momentanée. Elle apparaît pour faire l'effort d'être attentif. Quand à cause de cette concentration qui vient de l'application de l'effort, il n'y aura pas d'agitation, l'esprit ne sera pas agité. L'esprit sera temporairement purifié. S'il y a l'effort virya, l'attention sati, la concentration samadhi et les facteurs qui visent l'objet, alors l'esprit devient florissant et l'esprit s'agrandit, il est multiplié, il a lieu encore et encore. Ces facteurs, l'un après l'autre, portent l'esprit à s'agrandir et ont lieu à répétition. Ces moments d'attention, car ils ont la même nature, quand ils ont lieu dans une série comme ça, ils deviennent puissants. Donc, si une personne comprend les bénéfices qui viennent de la pratique et il applique les instructions de façon régulière et respectueuse, alors dans une semaine ou deux sûrement, une personne peut arriver à ce type de compréhension que Sayadaw a décrit. Donc, si vous savez développer la concentration pendant la méditation en marche, et puis vous amenez cette concentration, vous savez la connecter avec la méditation assise et après encore de l'assise à la marche, alors vous allez sûrement développer l'habileté à voir distinctement l'esprit et la matière qui sont vraiment là. Et d'ici, la connaissance se développera étape par étape et elle va fleurir. Donc, puissiez-vous faire l'effort pour appliquer la pratique, pour développer la concentration dans l'assise, dans la marche, pour que votre connaissance, à cause du développement de la concentration, votre connaissance se développera étape par étape et vous réaliserez le Dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu.